petit siège inconfortable, les yeux fixés sur le message interdit de fumer. Et puis juste à côté, sur une affiche scotchée, une belle publicité propose des cours d'anglais, des cours de rattrapage ou de remise à niveau, avec un taux de réussite digne des plus grandes universités. Moi je parle pas vraiment anglais, ce serait peut-être pas mal d'y aller, juste pour voir si je peux encore progresser. Et le RER s'est arrêté et d'autres personnes sont montées, certainement des gens du quartier ou qui vont travailler. Le quotidien, l'ordinaire, tous les jours, une vraie galère. Tous les jours, une vraie galère. Une femme s'est assise juste à côté, pleurant dans un mouchoir tout usé. Mon bon monsieur, si vous saviez, mon mari m'a quitté, je sais pas où aller. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, jamais je n'aurais pu le deviner. Et ma cousine ne m'a rien dit quand il se glissait dans son lit. Je vais sauter d'un pont ou me jeter sous un train. Je lui dis penser plutôt à demain, essayer d'oublier ce con. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on n'a plus un rond pour payer la maison et l'école des garçons. Et le RER s'est arrêté et d'autres personnes sont montées, certainement des gens du quartier ou qui vont travailler. Le quotidien, l'ordinaire, tous les jours, une vraie galère. Tous les jours, une vraie galère. Enfants à élever et une belle femme à surveiller. Il s'est avancé près de nous et a tendu sa main. Chacun lui a donné une pièce pour le sauver de sa détresse. Et le RER s'est arrêté et d'autres personnes sont montées, certainement des gens du quartier ou qui vont travailler. Le quotidien, l'ordinaire, tous les jours, une vraie galère. J'étais assis sur ce petit siège inconfortable, en train de rêver et de penser à tout ce qui m'était arrivé. Dans ce serpent de fer qu'on appelle le RER, il y a toujours beaucoup d'émotions entre deux stations. Et le RER s'est arrêté, le voyage pour moi était terminé. Et le RER s'est arrêté, cette fois c'est sûr, il m'a